Bonsoir à tous et bienvenue dans le Sondage Show, une émission que vous pouvez écouter en podcast, une émission que vous pouvez regarder en live, en replay, en Facebook Live, sur la page MCE. Ce soir, pour cette vraie première du Sondage Show, parce que la dernière fois, on avait fait des petits essais, des petits tests, plus ou moins concluants. 0.2. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on est très bon dans les locaux de MCE. J'aimerais d'abord qu'on accueille Morgane, qui est notre invité, Morgane Carousse. Comment ça va, Morgane? Applaudissements, regardez, on applaudit. Morgane, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Mais merci d'être avec nous, et puis on embrasse également tous tes fans qui sont en train de nous regarder, puisque tu as mis le lien également sur ta page. Ouais, c'est ça. Et sachez-le, c'était pas prévu, on va avoir un live musical de Morgane tout à l'heure. Même elle ne savait pas. Même elle ne savait pas, voilà, on va ramener des maracas, tout ça, ça va être la folie tout à l'heure. Alors, les petits lives en fin d'émission. Romec évidemment qui est là, alors si vous le voyez, il a un nouveau look. Romec, j'aimerais que tu nous décrives juste ton look, parce qu'avec Cédric on est un peu suspicieux. J'ai senti l'oignon, il voulait faire un sondage, est-ce que vous êtes pour l'oignon ou pas pour les hommes? Voilà. C'est horrible, je sais, mais j'ai plus de coupe. Mais voilà, peut-être qu'on peut voter, peut-être un vote féminin. Morgane, que penses-tu de cette coupe de cheveux? Est-ce que tu aimes les oignons? Elle est allergique, je crois. Ouais. Et blond? Oignon blond? Non, c'est trop. Ça va, ça. Ah, merci, c'est gentil. Ça se tolère, quoi. Ouais, voilà. Non, voilà. Merci. Bon, ben, vous pouvez voter, mais on aura des vrais sondages sur la coupe de cheveux avec notre fois, des sondages plus importants. Et Cédric comme la BD. À l'aise, comment ça va, mon Cédric? Bah, ça va. Ben écoute, j'aime beaucoup ton sondage qu'on aura tout à l'heure. Merci. En fin d'émission. Et je pense que vous allez être très nombreux et nombreuses à vouloir vous exprimer, voter. Et puis on va débattre autour de ça. Le sondage chaud, c'est simple. C'est comme des discussions qu'on a toute la semaine chez nous, mais on va le faire en live rien que pour vous. Comme ça, ça ouvre un petit peu le débat sur des questions un peu plus sérieuses, des questions un petit peu plus légères, histoire de bien démarrer cette soirée du vendredi et ce week-end. Morgane, j'aimerais qu'on parle de toi juste avant de démarrer le premier sondage. Toi, tu chantes, tu fais beaucoup de reprises. Il y en a qui disent de toi que tu es une cover girl. C'est ça, c'est le terme ou pas? Ouais. Ouais. Ça te correspond pas comme ça? Attendez, on dit cover ou reprise? On Non, mais est-ce que c'est un terme qui te correspond ou t'as envie de te définir autrement? Bah, chanteuse, quoi. En soi, j'irais pas jusque chanteuse, parce que pour moi, chanteuse, c'est vraiment celle qui passe en télé, qui a un single à elle-même. Après, je fais des reprises, donc forcément, oui, je peux être associée à cover girl. Mais après, en soi, je m'associe pas vraiment. Je suis pas vraiment dans une catégorie, juste je fais des reprises. Mais t'as un but quand même, en faisant des covers, c'est de devenir chanteuse, justement? Oui, j'aimerais bien après pouvoir avoir mes propres compositions, mais pour le moment, ouais, c'est pas le cas. Donc. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des fans qui t'accompagnent et qui t'encouragent et que tu vas d'ailleurs à leur rencontre. J'ai vu une vidéo sur Twitter, etc. Et c'est quelque chose que tu prends plaisir à faire, repartir avec ta communauté. Ouais. Bon, et est-ce que quand tu vois un clip ou t'entends un morceau à la radio, tout de suite tu t'imagines ou pas la reprise? Parce que je me suis dit qu'à mon avis, ceux qui font des reprises sur Internet, c'est ça, quoi. Ils imaginent tout de suite comment la reprise. Comment tu choisis d'ailleurs? Déjà, mais la plupart de mes reprises, je les traduis en langue des signes. Ouais. Donc déjà, comme je le parle à peu près couramment, à peu près correctement, quand j'entends une chanson, je me dis est-ce que ça va être possible pour moi de la traduire ou pas. Celles qui sont en anglais, c'est plus compliqué que celles qui sont en français. Mais après, généralement, comme je les traduis, celles en anglais, je les traduis en français. C'est quand même des chansons en anglais, elles sont vachement quand même simples quand c'est en français. Il y a deux, trois mots, quoi. Ouais, donc généralement, vraiment, voilà, c'est plus facile quand même. Donc généralement, voilà, c'est en fonction de la facilité pour moi en langue des signes. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose sur la langue des signes que j'ignorais, c'est que la langue des signes, elle est différente selon les pays, en fait. Ah, parce que nous, on avait tendance à se dire la langue des signes, c'est universel. Ouais. Pas du tout. Ah non, c'est à chaque langue, sa langue des signes, à chaque pays. Ah, okay. Tu confirmes? Oui. Et tu parles combien de langues? Combien de langues des signes? Oui, parce que tu peux être bilingue en langue des signes et tout ça. Bah, du coup, le français. Ouais, le français. Très bien. Eh bien, Morgane est avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez lui poser des petites questions, on va regarder ce qui se passe sur le Facebook Live. Je sais qu'il y a Christophe qui nous a dit mettez-vous en mode avion. Essaye, ok? J'essaie de faire tout le monde. On a fait semblant, Christophe, pour te dire, mais t'inquiète, on va rester ça. Il n'y aura pas d'interférence pendant le live. Je te promets. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Morgane. Et puis surtout, on va répondre ensemble au sondage pendant une demi-heure, 40 minutes. On commence par le sondage de Romec. Le meilleur sondage. Chacun prend son sondage. Pour ou contre l'oignon? Non, non, c'est pas ça. Non. Un monde sans internet ou un monde sans musique? Donc en gros, est-ce que vous préférez vivre dans un monde sans internet ou un monde sans musique? Alors toi, je sais que tu as posé la question sur Instagram, on va également poser la question sur MCE, donc répondez, et pendant que vous répondez, nous on va débattre autour du sondage de Romec, un monde sans internet ou un monde sans musique? Donnons la parole à Morgane, sachant que Morgane fait quand même des covers, je pense, mais ceci dit, internet est très important aussi pour Morgane. Ouais. Donc tu te réveilles demain, on te dit, Morgane, le monde dans lequel tu vas vivre, c'est un monde sans internet ou un monde sans musique? Pour le restant de tes jours, qu'est-ce que tu choisis? Bah, en soi, c'est compliqué parce qu'en soi, j'ai besoin d'internet pour écouter de la musique. Mais après, pour être proche de ma communauté aussi, j'ai besoin d'internet. Mais sinon, sans musique, ma communauté ne me sert plus à rien. C'est ça. C'est compliqué, mais je dirais quand même, je suis plus épanouie musicalement parlant que sur internet. Donc, je dirais la musique. Très très bon. Après, tu pourrais faire des concerts en langue des signes, hein, c'est pas un problème. C'est vrai. Faire de la guitare en langue des signes. Non, il y a Cédric qui va devenir manager et qui, on dirait, tu sais, le manager qui va voir l'artiste. Non, je pense que tu devrais plutôt choisir finalement le monde. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Oh, ça, oui. Tu choisis quoi, toi, Cédric, un monde sans internet ou sans musique? Moi, je choisirais sans internet quand même. Ouais. Ouais. Si j'avais pas le choix. Hein. Ouais, t'as pas le choix. Ah oui, t'as pas le choix. Le but. T'as pas le choix. J'adore parce que tu regardes Romain comme si Romain qui te laissait le choix. C'est lui le patron, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mon sondage. Voilà. Et moi, les amis, c'est pareil, c'est un monde sans internet. J'aime beaucoup internet, on y passe tous beaucoup de temps. D'ailleurs, je vous pose la question de savoir combien de temps par jour vous passez sur internet. Par jour. Je sais pas si vous avez vu, mais les téléphones maintenant. Tu l'as, toi, Romain, l'option? Ouais, j'ai fait la mise à jour. C'est vrai, t'as la mise à jour. Maintenant, il y a des options pour nous contrôler parce que apparemment, les marques voudraient qu'on soit plus responsable et qu'on passe moins de temps sur nos écrans. Voilà. Moi, ça serait quand même un monde sans internet parce que je peux pas vivre sans musique quand même. J'ai besoin de musique H24. Tu travailles un peu la radio aussi. Aussi, c'est vrai. Et Romain, toi, c'est tout le contraire. Je préfère internet qu'à la musique. Ah ouais? Parce que internet, ça permet d'avoir des vidéos et tout, donc c'est plus intéressant. Et j'aime bien regarder les images. Je suis plus dans l'image, tu vois. Donc, d'accord. Voilà. Donc un monde sans musique, sans musique. Ah, ça me fait mal au cœur quand tu choisis un monde sans musique. Je t'entends pas. Très bien. Alors, combien de temps vous passez par jour sur internet en moyenne? Puisque toi, t'as fait la mise à jour, donc tu sais combien de temps? Sachant que je précise, pour ceux qui nous regardent, tout le monde travaille plus ou moins dans le web. Voilà, nous avons, même si tu n'aimes pas ce mot, un influenceur qui non, est quand même. C'est Morgan l'influenceuse, c'est pas moi. Moi, j'influence personne. Ah, tu m'influences déjà beaucoup, c'est dans ma vie de tous les jours. Voilà, Romec, tu travailles aussi à côté d'ici sur une start-up, donc t'as besoin d'internet. Voilà, Morgan, évidemment, n'en parlons pas. Combien de temps vous passez par jour sur internet en moyenne? 16. 16 heures. En vrai, 16 tout le temps en fait. Quoi? Ah, là, il n'y a que là où j'ai fait une pause. Ça y est, là je me sens mieux. Hein. C'est pas possible. Ouais, du matin au soir, bah si. Non, t'exploses les stats là. Si bah ouais, mais je suis obligé. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, je suis très internet, tu vois, c'est pour ça que je choisis internet aussi, tu comprends? C'est n'importe quoi. Oui, t'es fou. Toi, tu dirais combien de temps, Morgan, par jour sur internet à peu près? Pas énormément, parce que c'est toujours en petite durée, en durée limitée. Okay. Donc je dirais ouais, peut-être 5 heures. Ouais. 5 heures, oui, c'est beaucoup 5 heures aussi. Hein. Ouais, par rapport à lui, évidemment, c'est peanuts, mais 5 heures, c'est beaucoup. Moi, je suis comme toi, je pense que c'est 5 heures, 5-6 heures par jour. 5-6 heures, ouais. Et toi, Cédric, pareil, c'est dans 5-6 heures. Ça peut monter à 8, quoi, mais voilà. D'accord. Okay. Alors, qu'a répondu ta communauté à la question, Romec? Un monde sans internet ou un monde sans musique? Et puis après, on posera la question aussi à Christophe pour MCE, puisque vous pouvez répondre aussi au sondage. Et vous pouvez commenter le sondage si vous écoutez l'émission en podcast. Alors. Il y a eu 87% de personnes qui préfèrent être sans internet. Ok. Voilà. Donc, il y avait 13% sans musique. D'accord. Voilà. Donc, en majorité, ça un monde sans internet. Déjà. Oui, c'est ça. En vrai, il n'y a pas de triche chez nous. Ouais. Oui. Voilà. Donc, on n'est pas beaucoup comme moi. Très, très bien. Mais on refera un point tout à l'heure sur les votes. Christophe, qu'est-ce que ça a donné du côté de MCE? 67% sans internet, ouais. 33% sans musique. Ouais, c'est déjà. Okay. D'accord. Donc, majoritairement, vous choisissez un monde sans internet. Heureusement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas ce choix de merde à faire. Il faut vraiment qu'on puisse avoir les deux. Mais est-ce que vous pensez que ça dépend de l'âge aussi? Pas du tout. Non? Bah, en même temps, il y a les très très anciens. Bah oui, c'est pour ça, genre eux vont tous voter sans internet. Oui, ça c'est évident. Ils n'ont pas encore internet d'ailleurs, donc ouais, c'est compliqué. Pour ça, ouais. Et bon, regardez, nous on est tous assez jeunes, on a quand même choisi un monde sans internet majoritairement. Donc, mais t'as raison, je pense que sur l'âge, clairement tu vas voir papy ou mamie, tu leur dis un monde sans internet ou musique. Tu vas dire, je regarderai les stats après. Les statistiques seniors. L'émission qui va trop loin. On lance le deuxième sondage, les amis? Oui. Allez, yes. Le deuxième sondage, c'est donc le mien, et c'est un sondage par rapport à l'actualité. Il y a 3 semaines de cela, au Canada. Le cannabis a été légalisé, alors c'est pas le premier pays à légaliser le cannabis, hein, puisque c'est le cas dans de nombreux pays. Et la question se pose en France, à chaque fois c'est un débat qui revient. Et plus les gouvernements successifs continuent, et plus la politique change, et ça ne change toujours pas. Mmh. À savoir que même dans le programme actuellement du président qui est Emmanuel Macron, il n'est pas prévu de légaliser le cannabis, il a plutôt dit non. Voilà. Alors vous, est-ce que vous êtes pour ou contre le cannabis? J'ai posé la question moi sur internet et j'ai la réponse. Non, et pour ou contre le cannabis ou la légalisation? Ah non, du cannabis. La légalisation. Parce la légalisation. Si tu veux après, puisque t'es pointu, mon Cédric, on répondra à la question. Mais pour ou contre la légalisation du cannabis? Si vous êtes pour ou contre, expliquez-nous pourquoi. Romec. Moi, je suis contre la légalisation. Ah ouais? Du cannabis. Pourquoi? Parce que j'ai lu un programme et qui disait que ça ferait plus de problèmes qu'autre chose en France. C'est-à-dire? Parce que finalement, là, c'est un peu technique et un peu très politique, mais les jeunes auraient beaucoup moins de boulot, il faudrait les remettre à tous à travailler. Et finalement, ça ferait plus de problèmes qu'autre chose parce qu'ils ont l'habitude de. Voilà, attends, ça veut dire, ça voudrait dire qu'en gros, tous les jeunes deal, c'est ça que tu entends dire? Non, mais il y a beaucoup de dealers parce que sinon, il y aura pas tant de consommateurs. Et j'ai lu un programme qui disait comme ça, qu'en fait, si on légalisait le cannabis en France, on ne saurait pas quoi faire des jeunes. Voilà. Donc, bah non, ils vendraient autre chose. Il n'y a plus rien à vendre. Il reste de la cocaïne, tout ça, je pense. C'est pareil. Problème à ce niveau-là. Donc moi, je suis vraiment contre. D'accord, donc toi, t'es contre? Ouais, je suis contre. Juste pour ça? Ouais. Ok, parce que vous envoyez un programme à Romec, il est très vite influençable. Ouais, voilà, sachez-le. Non, mais... un petit tiret, c'est suffisant. Morgane, ta réponse à la question? Moi, je suis pour. Ouais. Parce que déjà, je sais que le cannabis, sur certaines maladies, déjà, ça a des... Ça fait vraiment des miracles sur les hyperactifs. Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, je trouve ça incroyable qu'on puisse soigner, soigner des maladies. Après, moi, que les gens fument ou pas, que ce soit légal ou pas, en soi, je m'en fiche un peu. Mm. Mais maintenant, si c'est légal, bah, c'est cool pour tout le monde. Enfin, moi, ça me... Eh, c'est vrai que pour le côté médical, c'est pour ça que moi, je suis au moins pour qu'on légalise le côté médical, parce que c'est vrai que, comme tu dis, ça fait des miracles, on n'en parle pas assez. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Romec. Je pense que, de toute façon, il y aura toujours des business, tu vois, autour de la drogue, avec ou sans la légalisation, mais ça ferait plus de bien, ne serait-ce que pour les quartiers où tu as vraiment des trucs qui gangrènent les quartiers avec ça. Et, voilà. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis. T'en penses quoi? Parce que tu as l'air d'être pointu sur le sujet et tu as envie d'en parler. Non, j'étais pointu sur la question et moi je dirais que je suis pour aussi parce que bon, si quelqu'un veut s'en procurer, au final il y arrive, donc autant le légaliser un maximum, que ça rapporte à l'État, etc. J'ai lu ça dans un petit programme aussi. Et du coup ça fait plus d'impôts, plus de TVA et tout, donc c'est bénef pour tout le monde quoi. Ouais. Et puis pour la qualité du produit aussi, on n'en parle pas assez. Enfin, moi, je suis pas pointu, ne fumant pas par exemple de cannabis. Oui, bien mais sûr. Je sais. Dit-il ça avec des yeux rouges, machin. Non, je jure que. La qualité, les gars. Non, mais pour la qualité, ça pourrait préserver, ne serait-ce que pour la santé ouais, aussi. Vrai, quoi. Et puis surtout, il y a un truc qui m'a vraiment décidé à répondre oui à ce sondage, mon cher Romec. C'est le fait que ce n'est pas parce que dans un pays, moi j'avais peur que ça soit un peu comme Amsterdam, où en gros, dès que tu vas dans une ville, tout de suite, on te dit tu vas à Amsterdam, ah bah tu vas fumer. Voilà. Ce n'est pas forcément associé au cannabis tout le temps. Voilà, il se passe autre chose, ça sent pas forcément la weed partout dans les rues. Non, je suis allé au Portugal où c'est légal aussi, c'est pas la weed partout. Il y a pas beaucoup de monde qui vont à Amsterdam pour autre chose, mais... Non, mais voilà... Si, il y a d'autres choses quand même. Oui, les vitrines. Je suis allé à San Francisco et pareil, c'est légal et ça, le monde ne tourne pas autour de ça. Je pense pas que comme c'est légal, il y aura plus de consommateurs en fait. C'est la ville va pas être gangrénée par la drogue tout de suite. Mm. Donc voilà, quel est ton choix sur cette question, ma chère Morgane? Elle a répondu. Tu as répondu, et effectivement. Tu veux dire qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tout à fait, merci. Romec, tu n'es plus dans mon oreillette, voilà. Ouais. J'ai posé donc sur mon Instagram, 80% sont pour la légalisation du cannabis, ouais. Et 20% sont contre la légalisation du cannabis. Moi, c'est du 50-50. Hein. C'est vrai? Vraiment, genre 400 pour et 400 contre, donc c'est vraiment... 50-50, d'accord, ouais. Ok. Christophe, sur MCE, qu'est-ce qu'on dit en live sur le Facebook? 65 pour... 35% contre. 65% pour. Ok, ça voudrait dire qu'en fait la communauté n'est faite que de fumeurs. Oui, bah, c'est ça. D'accord. Eh bien, on se posera des questions. C'est très bizarre parce que moi, ça, mon résultat écrase les autres. Ouais, voilà. On fait le sondage un petit peu coquin parce qu'il y a 4 sondages. On fera un sondage parce que je sais que la question autour des animaux, ça t'intéresse beaucoup. Là, sur la cause animale, on en parlera à Morgane dans un instant avec toi. Il y a généralement un sondage un peu léger, donc avec Romec, qui est un sondage plus d'actualité. Et lui, c'est un peu le monsieur coquin de la bande. Donc, ça va être un sondage un petit peu plus chaud. Avant qu'on ait le sondage de Morgane et qu'on ait le live tout léger, à l'heure à la c'est fin. Léger. C'est léger. Alors, c'est quoi ton sondage? Ma question, c'est seriez-vous d'accord pour sortir avec un ou une actrice à titre pornographique quoi? Alors, quand tu dis d'accord, c'est quoi? Genre, on vous l'offre en cadeau? Non, mais ça veut dire par exemple, si t'as une copine et que t'es marié avec elle et qu'elle te dise voilà, je veux devenir actrice porno du coup. Ah, tu la quitterais ou pas? Est-ce que tu quittes ta beuf ou est-ce que tu quittes ton mec ou ta beuf? Si oui. Elle devient actrice ou il devient acteur porno, ça c'est une bonne question. Merci. Parce que ça voudrait dire que l'amour est plus fort que tout, ou est-ce que du coup l'amour ne triomphe pas à cause ou grâce à ce hobby, je n'en sais rien. Eh bien, on vous pose la question, toi t'as la réponse, je sais pas du tout parce qu'elle a pas eu ta communauté, j'ai pas regardé, je sais pas. Voilà, et vous pouvez également voter sur le podcast ou en live sur la page Facebook d'MCE. Romec, qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est la pire question qu'on peut poser à quelqu'un, pour un homme en tout cas. Est-ce qu'on peut être technique? Imaginons, yes. T'es avec ta meuf depuis, je sais pas, 44 ans. Non, c'est trop. Oh. Ça n'existe pas déjà chez Romec et en général dans la vie, c'est plus c'est un tombeur. 3 ans. Ouais. Vous vous aimez, vous vous dites on va se marier, machin. Elle fait. Mais j'ai découvert ma nouvelle vocation, chérie. Je veux être actrice porno. Est-ce que tu me quittes ou est-ce qu'on reste ensemble? Après, ça dépend parce que tu vois, Clara Morgan, qui est notre exemple, elle a fait même pas 10 films porno. Oui. Et c'est devenu une légende. Oui. Donc après, elle a aussi sa vie grâce à ça aussi. Donc. Ça peut devenir une grosse cochonne aussi, donc c'est un peu compliqué. Et finalement, après, j'ai peur que si je lui dis oui, après, elle commence kiffe, à coucher avec d'autres hommes et elle les aime. Parce que entre coucher et travailler, il y a peut-être une petite différence, mais pas assez grande. Je sais pas, j'ai jamais eu la chance de coucher avec une actrice porno pour savoir s'il y a une vraie différence. Donc je lui dirais oui. Parce que vous dirais oui. Je pense que l'amour est plus fort que le sexe. Ah ouais? Ouais. Eh bien. Moi, c'est sûr, je dis toujours le contraire de vous. Moi, je dirais oui parce que si je l'aimais déjà, franchement. T'as pas encore de réponse, hein, tu sais pas. Je suis sûr. Mais si je l'aime, je lui dis oui. Si tu l'aimes, tu dis oui. Oui. Très très bien. Ouais. Mais donc, ça te dérange pas de l'imaginer avec d'autres personnes Si on s'aime et qu'elle fait ça pour le boulot. Moi, j'ai différencié le boulot. Et mais c'est un boulot particulier, tu vois. Ça, c'est pas... Mais boulot quand même. C'est pas poissonnier. Tu regarderas les films? Non. Non, quand même pas. Bah, je veux rien savoir de plus, quoi. Je te demanderai pas, alors, ta journée, elle s'est bien passée? Non, je veux pas savoir. Non. Très bien. Alors, Morgane, qu'est-ce que t'en penses? On a planté le décor, nous avons un avis qui est particulier. Quel serait ton avis? Comment tu réagirais? C'est une question tellement horrible. Oui. Mais qui peut arriver à tout le monde, hein, pour le coup, malheureusement. Ouais. À tout le monde, bah, après, en soi, je pense que c'est une question de confiance. Ouais. Quand on est avec quelqu'un depuis longtemps et qu'on sait que bah, ça dure, que ça marche et qu'on s'aime sincèrement, je pense qu'on peut faire confiance suffisamment à l'autre personne pour la laisser faire si c'est réellement ce qu'elle souhaite. Après, moi, maintenant, je pense que si j'étais avec quelqu'un qui souhaiterait le faire, en soi, si j'ai réellement confiance, je pense que je pourrais le laisser faire. Très bien. Et est-ce que vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un qui est acteur porno ou acteur? Ça arrive tout le temps. Non, c'est pas pareil. C'est pas de l'amour. Tomber amoureux, tu vois. Par exemple, tu la rencontres, tu prends un café avec elle, elle te dit bon bah voilà, je suis actrice porno. Et moi, je pense que oui. Quand tu sais pas forcément, voilà, c'était inhumain, donc lui, j'ai pas dit ça. Oui, non, si tu le découvres par la suite, ça peut être un choc ou une surprise qui nécessitera un débat comme on fait là. Mais je pense qu'à la base, c'est une question de feeling. Et oui, tu peux évidemment tomber amoureux d'une actrice ou d'un acteur porno. Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu ferais? Je te fais la même question que Romec, à savoir, ça fait déjà des années. Hein. Non, en vrai, je la laisserai aussi. Hein. Ah. Tu dis oui. Ouais, si ça fait des années, c'est que je l'aime vraiment, quoi, au final. Hein. C'est pas comme si je l'avais rencontré depuis 2 semaines et je lui dis, bon, bah, fais tes films, quoi. Oui. Si et ça fait longtemps, ouais. Et moi, bon. je dis non, les amis. Voilà, je suis désolé. Je brise le rêve et je brise un petit peu l'amour. Je trouve que c'est un travail trop particulier. Faut qu'on parle un peu plus fort. On parle un peu plus fort. C'est pour Cédric et pour Morgane, très bien. Okay. Oui, c'est un travail qui est trop particulier pour accepter parce que. Ça a beau être un travail, je pense que là on n'est pas dans le simple acting. Voilà, ce sont des scènes explicites, c'est quand même du sexe explicite. J'aurais l'impression d'être trompé tous les jours. Je crois que je ne le supporterais pas. Ça me ferait trop de mal au cœur. Voilà, donc je dis non. Et que disent les internautes et la communauté de Cédric comme alors, la BD moi, avant de connaître votre réponse à vous? Ceux qui me suivent ont dit à 90% non. Ah, ok, 90% non. Ouais. À une victoire écrasante du non. Mmh. Que tu comprends. Ouais, mais après ils sont assez jeunes aussi, ceux qui me suivent. Mmh. Donc peut-être que ça influe aussi, ils n'ont pas la notion de l'amour comme je l'ai. Ils n'ont pas encore connu l'amour. Voilà, ils n'ont pas connu le grand amour. Le vrai. C'est vrai. Mais bon, regarde, on est jeunes et Morgan a dit oui, Romec a dit oui. Ouais, ouais. Lui il est plus très jeune, Romec. C'est vrai. La question c'est est-ce que tu aurais dit oui encore 5 ans? Oui. Oui, très bien. Oui. Il y a encore 10 ans. C'est l'amour depuis ma enfance. C'est beau, Rebecca, c'est beau. Et vous, que dites-vous, cher internaute, à la question, pour, si vous venez d'arriver, pourriez-vous sortir avec un acteur ou une actrice porno? 83% non, 17% oui. Ouais, donc ça rejoint, ça sert accord avec ton sondage. Très bien. Eh bien, écoutez, on refera un récapitulatif de tous ces sondages dans un instant. Il y aura un live de Morgane dans un instant. Mais surtout, on va poser une question sur la cause animale parce qu'on a parlé de musique avec toi. On sait que tu aimes faire des reprises, mais tu es aussi passionné par les animaux. Oui. Depuis longtemps, depuis toujours ou dis-nous tout. Depuis toujours, après ça va à peu près 3 ans, je m'intéresse vraiment à tout ce qui peut se passer derrière. D'où le fait que j'ai tatoué le numéro 269 sur mon poignet. Qui signifie quoi? C'est 69, moi de loin, non, c'est on parlait de ça. Non, du coup, c'est le 269, c'est le numéro de la protection animale. Très bien, voilà. C'est-à-dire, c'est un numéro qu'on appelle et... Non, mais là, n'appelle pas Romain, ça sert à rien. En gros, maintenant, ils ont créé une association autour de ça, mais de base, il y a une histoire, si je dois la faire en bref. À l'époque de l'abattoir, il y avait les végétariens, etc. Il y a une petite vachette qui a été à l'abattoir, qui était le numéro 269. Et cette petite vachette a réussi à se barrer de l'abattoir et qui a été recueillie dans une ferme. Et du coup, c'est devenu un peu le symbole des végétariens. C'est pour ça qu'il y a la ligue. Elle est où aujourd'hui? Bah oui, mais qu'au final, dans la ferme, ils ont fait quoi? Ils l'ont tué, je pense. Hein. Bah non, ils l'ont gardée, justement. Elle a sauvé le truc. Elle est encore en vie aujourd'hui? On a des nouvelles? Je connaissais pas du tout. Là, vous ne posez pas les bonnes questions. Oui, je vous le dis, ça ne pose pas les bonnes questions. Heureusement, l'intention est bonne. Donc, revenons au sujet initial. Donc, toi, ça a été il y a 3 ans où tu as commencé à t'intéresser à la cause animale. Est-ce que tu as l'impression, et je vous poserai la question aussi, parce que le sondage qu'on va lancer autour de ça, c'est êtes-vous sensible à la cause animale, en gros, hein, voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Parce qu'il y a plein de gens. Il y a des gens qui disent qu'ils s'en foutent, qui estiment... grosso modo qu'en gros nous sommes au-dessus des animaux et peu importe leur sort et que voilà ils reviennent un peu au temps ancien où en gros on était des chasseurs et qu'en gros voilà pour manger et pour survivre il fallait tuer les animaux et c'était pas grave, ou d'autres qui commencent, moi j'ai l'impression qu'il y a un réveil autour de ça, vous voyez sur des sondages un peu passés, on parlait de cet assaut également, toi qu'est-ce que autour de toi est-ce que tu as l'impression que les gens sont sensibles à ça ou de plus en plus ou c'est toujours 50-50? J'ai l'impression que c'est toujours 50-50, c'est juste que maintenant on le médiatise vachement plus, on a plus connaissance des causes. Maintenant, il y a plein de débiles, je dirais, qui commencent à se dire « Oui, mais regarde les animaux, vraiment, un lion, il va manger aussi d'autres animaux, il mange pas des légumes. » Qu'est-ce que tu compares un lion à nous, êtres humains, qui avons d'autres alternatives pour manger? Après, moi, je suis du signe du lion, quand même. Oui, mais tu manges des légumes? Oui, ça va très bien. Il y a plein de gens qui comparent, oui, tu manges des pastèques, du coup, ça n'a aucun rapport. Les gens, ils commencent à mélanger, à dire, non, c'est quoi le rapport, enfin, les gens autour de ça, j'ai l'impression que tellement ils n'ont pas d'arguments, ils ont besoin de trouver, ouais, mais les fruits, les légumes, t'arraches bien la pomme à l'arbre. Enfin, Il y a un truc que je te pose comme question, parce que donc, du coup, tu es aussi vegan, et il y a deux teams chez les vegans, et j'ai lu un article là-dessus il n'y a pas très très longtemps. Il y a les vegans qui acceptent le comportement que certains militants peuvent avoir, à savoir détruire une boucherie par exemple, voilà, et d'autres qui disent qu'en gros ça rend pas du tout service aux vegans parce que ça fait passer les vegans pour des sauvages, des extrémistes, et ça rend pas du tout service à la cause, alors que justement il faut être ouvert d'esprit et pour le dialogue, pour faire passer le message, parce que sinon ça va continuer en gros d'avoir ces oppositions qui sont catastrophiques avec les pro-vegans et les anciens et les anti-vegans. Toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Par exemple, il y en a de plus en plus qui tuent un peu des boucheries. Je sais que quand il y a eu une boucherie à Lille, justement, j'ai reçu plein de messages en disant regarde ce que les tiens font. Voilà, je ne tolère pas du tout. Très bien. Je suis pas... C'est pas parce qu'on est végétarien ou vegan qu'on est censé... Moi, c'est mon avis. J'ai jugé, désolé. Ouais, pour moi, on n'est pas censé détruire des... C'est quand même des personnes qui bossent dedans. Voilà, je trouve qu'il y a une meilleure façon de se faire remarquer pour défendre notre cause, comme les manifestations, tout ça. Mais de là à casser des magasins, je trouve ça dégueulasse. Très bien. Vegan pacifiste. T'as donné ton point de vue là-dessus. Et vous, les amis, est-ce que vous êtes sensibles ou pas à la cause animale? Alors, on pourrait parler de ça pendant des heures, parce qu'il y a plein de choses à aborder. Il y a le côté juste nutrition, il y a les animaux aussi, ce qui se passe. Romek, commençons par toi. Est-ce que t'es sensible à la cause animale ou pas, toi, par exemple? Moi, j'adore les chats. Après, ça a peut-être rien à voir, mais... Je pense que tu les manges pas de base. Non, mais je pourrais pas. Un animal, un chat, je les considère presque comme des enfants, donc c'est un peu des humains pour moi. Donc j'aime beaucoup vraiment les animaux. Je pourrais pas. Est-ce que tu pourrais arrêter de manger de la viande? Non plus, malheureusement. Ça, tu peux pas. Non, parce que je fais un peu de sport, tu vois, et je sais qu'on peut. Ah, mais tu rigoles, mais c'est un argument chez les sportifs. Je sais qu'on peut compenser tout, mais j'ai toujours vécu avec de la viande. Donc ça mettrait du temps à vraiment l'enlever de ma vie. Mais ça me dérange pas de moins en manger. Ok, quand même. Mais l'arrêter à 100%, je pense que je pourrais pas réussir. D'accord. Alors juste question parenthèse de sportif, parce que c'est effectivement, j'entends à chaque fois, t'as dû l'entendre aussi, les sportifs font oui, on a besoin du blanc de poulet, etc. De la protéine, etc. Ouais. Y a pas d'alternative? Si, bien sûr, dans le tofu, etc. Je pense qu'il y a même des aliments avec plus de protéines, des plantes, etc. Ouais. Mais je m'y connais pas assez pour le coup, pour trouver. Je pense que ça coûterait plus cher aussi déjà pour nous. Et c'est plus facile de manger un blanc de poulet aujourd'hui après du sport que de trouver la bonne plante qui va avec le corps. Donc, Est-ce que pour devenir vegan, tu conseilles d'arrêter d'un coup avec une prise de conscience comme tu as pu en avoir et on change du jour au lendemain son alimentation, ou alors est-ce qu'il faut faire progressif? Par exemple, moi j'ai commencé à réduire la viande, mais je continue encore à manger. Qu'est-ce que tu conseilles? Disons que de base on est censé être suivi par un médecin parce que certaines personnes sont obligés de manger de la viande. Il y a des personnes, leur corps ne peut pas le supporter. Okay. Par rapport au sang, là, il y a aussi un type de sang qui ne peut pas... Voilà, il y a des gens qui sont obligés d'en manger. Je savais pas manger. Mais si t'arrêtes d'un coup, tu vas être très faible, tu vas te sentir très mal. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer en diminuant la viande. Après, il y en a qui deviennent pescadiens, c'est-à-dire qu'on coupe complètement la viande, mais on mange encore du poisson. Ok, oui. Et après, on peut encore diminuer si on a vraiment envie. Et toi peut-être au dernier niveau. c'est quoi le vidéo? C'est pescadien. Moi du coup j'ai arrêté la viande. Non du tout, j'ai arrêté la viande vraiment du jour au lendemain. Après j'ai fait le poisson et après non, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de... Tu manges des œufs? Non, vegan c'est... D'accord. Ça nous intéresse. Hein. Grave, à quoi ressemble ta nutrition? Quels sont tes plats préférés? T'as donné type. Oui. Plats préférés, c'est compliqué parce qu'on se régale pas vraiment. Okay. C'est pas l'extase. Je dis pas que je vais avoir les yeux qui brillent quand tu vas m'en parler, mais j'aimerais quand même savoir ce qui là, tu manques pas de rêve, là, d'un coup. Le tofu à peu près bien cuisiné, ça peut être correct. Le tofu, c'est bon. Ouais. Le steak haché de soja. Oui, j'aime bien aussi. Moi, j'en mange pas. C'est vrai, moi, j'aime bien. C'est bon. Ça passe après. Les boulettes de légumes aussi, c'est pas mal. C'est vrai qu'un bon poulet à côté. Non. Je suis pas fan. Mais après, ils ont fait plein de trucs, genre le faux gras. Du faux gras, mais du faux gras, du coup, c'est cool aussi. Moi, ce qui me manquerait le plus, ça serait les œufs, figure-toi. J'adore les œufs. Ouais. Les œufs, ça va être le plus dur. Qu'est-ce que tu remplaces les œufs par quoi? Parce que finalement, il y a des alternatives pour tout, mais c'est quoi l'alternative à l'œuf? Ce sera les lentilles. Les lentilles, ouais. Donc, tu fais un gâteau avec des lentilles, donc? Tu fais des gâteaux sans œufs. Bah oui. Alors, t'as pas répondu à la question, toi. Est-ce que t'es sensible à la cause animale ou pas? Romain, qu'on a compris que oui, mais il est plus mitigé sur la nutrition. Moi, je suis sensible, mais c'est pas ma priorité, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, il y a plusieurs associations et tout, enfin, aider le monde, etc., les gens pauvres. Et je me pencherais plus, par exemple, pour aider les gens pauvres qu'aider les animaux, tu vois. Ah, mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut mettre en conflit les non, les non causes? du tout. Mais par exemple, bah, il y a une association, la 269. Ouais. Par exemple, si j'ai 10 euros à donner entre l'UNICEF ou ça, tu vois, je préfère les donner à l'UNICEF. Mais en soi, je suis pas contre aider les animaux, hein, c'est des gens bien. Est-ce que quand tu vois les... Parce qu'on en a vu, moi j'ai du mal à les regarder personnellement, mais les images dures qui circulent sur les réseaux sociaux, dans les abattoirs notamment, moi je peux pas les regarder, je trouve ça horrible et très violent. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te touche quand même ou pas du tout? Bah, en vrai ça me fait de la peine, mais après genre je suis malien, donc j'allais plusieurs fois au Mali, et je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim et qui donneraient tout pour avoir un bout de viande, tu vois. Et quand je vois un bout de viande, je me dis pas non, je vais manger du tofu. Ok, donc t'as du mal à être sensible encore à la... Si tu devais répondre à la question, parce que la question c'est oui ou non. Bah je suis on sensible. On a dit oui ici, oui évidemment. Non, je suis sensible. Quand même oui. Ouais. Très bien. Un petit oui. Un petit oui. Un petit oui. Et alors qu'est-ce qu'ils en disent nos internautes qui nous regardent? Êtes-vous sensible ou pas à la cause animale, Christophe? 93% oui. Ah ouais. Ah, c'est un sujet très bien. Est-ce que quand t'en parles avec tes amis, c'est quoi les questions qui reviennent le plus? C'est les questions qu'on vient de te poser ou il y a d'autres questions un peu reloues que tu dois avoir marre de répondre? Parce que je sais que les végans à mon avis doivent avoir 2-3 questions qu'on leur pose en boucle. Mais t'es pas un peu pâle? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. T'as pas des carences? Mais déjà, les gens qui disent « je pourrais pas arrêter », pour moi, c'est un terme qu'on peut pas réellement employer. Elle parce que regarder fort. Tout le monde peut arrêter, c'est pas une question « je ne peux pas ». Oui, c'est une question de volonté, à moins que ta santé prouve le contraire, on peut forcément arrêter, pour moi. Ça, c'est le truc qui m'énerve un peu, c'est quand on me dit « ouais, moi, mais je peux pas arrêter ». Mais t'énerve pas, Morgane. Non, je suis très détendue, y a pas de soucis. Bah, jetez le jeu de dé qui est sans étape, non. Et après, genre, c'est des questions basiques, est-ce que tu manges? Voilà, y a pas de... Ok. Alors, c'est quand même compliqué. Est-ce que tu sors avec des non-véganes? Ah, bonne question. Finalement, tu peux quand même mélanger deux formules. Oui, bah généralement, les gens, quand ils sont devant moi, par exemple, ils osent pas des fois manger de la viande. Bah oui, ouais. Moi c'est pareil. Quand on me dit quelqu'un est vegan, je te jure, je mange de la viande, mais je suis pas bien, je culpabilise. Bah, je mange plus, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, moi ce que je me dis, chaque fois quand ils culpabilisent, c'est pourquoi tu culpabilises du coup. Parce que c'est que tu sais ce qu'il y a derrière. Et du coup, si toi tu veux manger de la viande, assume-le. Tu vois, t'es pas obligé d'être moche. En plus, je vais pas regarder des gens en mode t'as pas honte, tu manges de la viande, je suis pas une personne. C'est-à-dire, tu veux prendre un gros burger devant moi avec 5 viandes si tu veux, je te ferai pas ouais, tu manges de la viande, t'as vu ça? Enfin, je m'en fiche en fait, clairement. Je veux pas que les gens s'adaptent à moi. Si eux ils ont envie de le faire, ils le font, s'ils ont pas envie. Je suis content qu'on ait eu ce débat autour de ce sondage. C'était intéressant. Est-ce qu'on peut. Ah oui, Morgane, est-ce que tu peux remettre passer, s'il te plaît, ceci à Morgane, parce que ça va bientôt être la fin du sondage chaud et on va rappeler les sondages qu'on a eu ce soir avec les résultats. Je vous rappelle qu'il y a Romek, Cédric comme la BD et Morgane qui va se préparer pour terminer ce live avec un titre. Nous avons eu 4 sondages avec 4 résultats, avec des victoires écrasantes. J'espère qu'on aura des sondages plus serrés. Il y en avait quand même un qui était un peu serré tout à l'heure. Le sondage de Romek, notamment d'ailleurs, qui était si vous pouvez vivre sans internet ou sans musique. Et finalement, c'était... Sans internet, voilà, avec tristesse, mais quand même. Mmh. Le sondage coquin de Cédric était. Qui était. Vas-y, je te rappelle. Je préfère quand tu le dis. Pourriez-vous sortir avec un acteur porno ou une actrice porno, du coup? Et qui était à 90% non. Alors qu'ici, c'était plutôt oui, d'ailleurs. C'est ça. Parce que nous sommes ouverts d'esprit, nous. Voilà. C'était un peu trop, là. Ouais, un peu trop d'ouvert, ouais. Pas que d'esprit. Ouais. C'était pour ou contre la légalisation du cannabis et vous étiez à 80%, autour de 80% pour. Si vous avez des idées de sondage pour les prochaines émissions, pour les prochains podcasts, ça serait avec grand plaisir. Cette émission a lieu un vendredi sur deux, sachez-le, avec cette team et toujours avec un ou une invitée. Et la première invitée, on te remercie, t'es un peu notre marraine en fait. Tu es un peu jeune pour être marraine, Morgane. Oui. Est-ce que t'es marraine? Non. Non. Tu aimerais être marraine? Oui. Elle l'a dit avec sa voix d'enfant. Alors, il y a beaucoup de reprises de Morgane, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne YouTube. On peut rappeler d'ailleurs peut-être vite fait les liens pour te retrouver, pour celles et ceux qui sont en train de nous écouter ou qui te découvrent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour te retrouver le plus facilement? YouTube? Bon, on va dire Instagram. C'est InstaMorganFR. InstaMorganFR, tout simplement. Et tu vas nous faire donc un titre en qu'est-ce reprise. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Oui. Alors, on essaie de deviner. Ouais, tu vas me dire après si vous la connaissez. Faut pas se tromper. Là, c'est... Faut qu'on devine? Bah, okay. Ouais. Donne-nous un indice. Faut pas te couper pendant que tu fais, par contre. Bah non. À la fin. Mais du coup, non, mais je sais pas. Tu veux un... Je sais même pas si vous connaissez la chanteuse. On connaît tout. La chanson, vous la connaissez, je pense. Mais yes. Après... On va trouver. Eh ben, vous savez quoi? On va laisser la cover se faire. Yes. Vous ne l'interrompez pas, c'est pas un quiz, c'est pas un... Stop, c'est bon, je sais ce que c'est. Voilà, le titre en entier, en tout cas tout ce que tu voudras jouer avec plaisir et après on débriefera. Allez, c'est parti, Morgane en live sur la page Facebook d'MCV en podcast. To Merci Morgane. C'est beau. Vous connaissez la chanson? Évidemment, on connaît le titre. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas du tout le titre. Il me semble, attends, c'est du coup. Travaille chez Skyrock aussi. Là. Ouais, mais on passe pas sur Skyrock. Non, mais attends, est-ce que c'est Sarah Bareilles ou pas? Non. Non. C'était qui alors? Je pensais à James Blunt. Colby Gayet. Colby Gayet, ouais, Colby Gayet, effectivement. Et le titre, c'était. Everywhere I go. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. Attends, je crois que je l'ai même pas. Ah bah, super. Yes. Super, bravo. Non, Colby Kayat, oui, c'est, je sais que je connais ce morceau. Du Blanche, je crois, B, oui, on va trouver. Le temps que je trouve, si demain tu devais sortir un album, quelle serait l'orientation musicale? Ça ressemblerait à quoi, à peu près? Est-ce que ça serait ce style un peu folk, pop, ou est-ce que ça serait autre chose? Avec une référence artistique, enfin, ouais. Tu sens un nom? Ouais. C'est Lucky Bubbly, c'est Bubbly? Ouais, c'est, ouais, ça, c'est Bubbly, c'était Bubbly le titre, ouais. J'ai un peu du mal avec les chanteurs français. Déjà, je chante pas beaucoup en français. Mm-hmm. Mais après, artistiquement, je partirais plus sur les trucs à grand texte en français, en mode un peu Orelsan, okay. qui débattent un peu des sujets actuels, ça je trouve ça grave cool. Et t'aimerais écrire ou t'aimerais faire appel à des auteurs et des compositeurs? À faire appel, parce ouais. que j'arrive pas. Ah, tu t'écris pas encore, bah, d'accord. Non, j'arrive pas trop. Merci. Oui, bah c'est pas bien. Merci Christophe. Il arrive 64%. Oui, merci Christophe. Bon, bah très bien. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Oui, c'était très cool. Eh ben, on remettra attends, ça. Moi, j'ai une question. Ah, je t'en prie. S'il y a des questions, allez-y. Hein. Yes. Oui, oui. D'ailleurs, c'est quoi l'album que t'écoutes en ce moment? Ah oui, hey, bonne question. Moi, je suis une grande fan de Aerosmith et Imagine Dragons. Donc, yes. Imagine Dragons, t'as déjà vu en live ou pas? Parce que c'est ouais, impressionnant. J'ai deux fois en concert. Allez, voilà, j'ai fait le ouais, concert, j'ai les places et tout. Pourquoi t'es jaloux, Robert? Non, moi, je travaille chez Skyrock. Moi, j'ai aucun choix qu'après. Bon, en tout cas, Morgane, merci d'être passé avec nous et d'être venu nous voir. On embrasse aussi. C'est ta maman qui est là-bas? Oui. Eh ben, bon, on l'embrasse. Bonjour à la maman, merci d'être venue. Elle était bien, votre fille? Elle a bien répondu? Désolé. Tu vas me faire engueuler après? Non, ça va. Okay. Bon, désolé pour le sondage un peu vulgaire. Hein. Ça va. C'est l'homme à l'oignon, ça. Elle a dit oui. Le sondage chaud, c'est terminé. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast. Donc voilà, vous pourrez continuer de débattre entre vous. Et surtout, si vous avez des questions aussi à nous poser pour les prochains sondages, pour les alimenter. Moi, j'aime bien des sondages où c'est un petit peu chaud, où c'est du 50-50. Donc on va travailler dessus pour le prochain live qu'on fera dans 2 semaines, ici même avec Cédric comme la BD, yes. qui a été très bon ce soir, Romek et Morgane qui était notre invité, notre marraine. Merci beaucoup Morgane. Merci Marraine. Et merci à MCE également pour le Facebook Live. Prenez soin de vous. Ciao ciao.